O Shakespeare, Shakespeare, toi dont les premières années passèrent inaperçues, dont l'histoire est presque aussi incertaine que celle d'Ossian et d'Homère, quelles traces éblouissantes a laissé ton génie? Et pourtant, que tu es peu compris. De grands peuples t'adorent, il est vrai, mais tant d'autres te blasphèment. Sans te connaître, sur la foi d'écrivains sans âme qui ont pillé tes trésors en te dénigrant, on osait naguère encore dans la moitié de l'Europe t'accuser de barbarie. Mais les plus cruels ennemis du génie ne sont pas ceux auxquels la nature a refusé le sentiment du vrai et du beau. Pour cela même, avec le temps, la lumière se fait quelquefois. Non, ce sont ces tristes habitants du temple de la routine, prêtres fanatiques, qui sacrifieraient à leur stupide déesse les plus sublimes idées neuves, s'il leur était donné d'en avoir jamais. Ces jeunes théoriciens de 80 ans, vivant au milieu d'un océan de préjugés et persuadés que le monde finit avec les rivages de leur île. Ces vieux libertins de tout âge qui ordonnent à la musique de les caresser, de les divertir, n'admettant point que la chaste muse puisse avoir une plus noble mission. Et surtout, ces profanateurs qui osent porter la main sur les ouvrages originaux leur font subir d'horribles mutilations qu'ils appellent corrections et perfectionnements, pour lesquelles, disent-ils, il faut beaucoup de goût. Malédiction sur eux! Ils font à l'art un ridicule outrage. Tels sont ces vulgaires oiseaux qui peuplent nos jardins publics, se perchent avec arrogance sur les plus belles statues et quand ils ont sali le front de Jupiter, le bras d'Hercule ou le sein de Vénus, se pavanent fiers et satisfaits comme s'ils venaient de pondre un œuf d'or. Oh, une pareille société pour un artiste, est pire que l'enfer. J'ai envie d'aller dans le royaume de Naples ou dans la Calabre demander du service à quelque chef de bravi, dussé je n'être que simple brigand. J'y ai souvent songé. Oui, de poétiques superstitions, une madone protectrice, de riches dépouilles amoncelées dans les cavernes, des femmes échevelées, palpitantes d'effroi, un concert de cris d'horreur accompagné d'un orchestre de carabines, sabres et poignards, du sang et du lacryma Christi, un lit de lave bercé par les tremblements de terre. Allons donc, voilà la vie !